J'en ai... Putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre, mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Mais c'est fou, lec. Je vais attendre une offre meilleure. Mais c'est fou, lec. Mais c'est fou, lec. Ya aïe, ya aïe, ya aïe. Gardabstab, tu es d'arbre. Y'a gangster, tout y'a ta vie, n'a pas d'arbre. Ya aïe, tard sur les marchands d'arbre. Ya aïe, ya aïe, ya aïe, ya aïe. C'est genre à fou, lec. Le pauvre n'en connaît pas l'odeur. Bizarre en fait, car celui-ci en connaît bien l'horreur. Le pauvre de la thune n'aime que le bif. L'argent n'aime pas le pauvre, et puis le pauvre n'aime pas le riche. Un grand besoin d'un coup de corps et de jeter de kiff. Un grand besoin d'un coup de corps si la sagesse te quitte. C'est une baffe pour le bise, et des raves pour la crise. J'ai un bar pour devise, et des stars que je vise. Vise quand tu nous tiens, c'est la bêtise qui te retient, et qui t'attise à voir le bien. Dans ce que tu crains comme de la tise. C'est petit quand tu n'as rien. T'as pas l'envie mais tu es bien. Comprends ce que je dis, le verbe avoir c'est posséder, pas être en chien. L'argent ça tu mets ça attire de la tristesse. Combien se tue chez les gens riches ou s'enrichissent de ses fesses. On se tue pour elle dans une guerre en réunion. Elle est bien là, ça la fait rire car on l'appelle une guerre de religion. Un rêve de crâne de buzz, baise et des baisers de pute. Approuve le crâne du business et les billets de pute. Un coup de pub avec la plage et le cigare dans la silhouette. Ils sont en cage car trois avares d'une vie si chouette. Un coup de vue sur le partage de ton savoir en fait. Ne dis que tu es mal seul avec un cœur en fer. Si la thune était leur mère, ils deviendraient des fiottes. Si l'argent était la merde, ils en seraient des chiottes. J'en affoule, le pauvre n'en connaît pas l'odeur. Bizarre en fait, car celui-ci en connaît bien l'horreur. Le pauvre de la thune n'aime que le bif. L'argent n'aime pas le pauvre, et puis le pauvre n'aime pas le riche. Un grand besoin d'un coup de corps et de jeter de kiff. Un grand besoin d'un coup de corps si la sagesse te quitte. C'est une baffe pour le vise, et des raves pour la crise. J'ai un bar pour devise, et des stars que je vise. L'argent renvoie nos cœurs, sépare des frères et sœurs, des frères en jaloux. Rends avare, rends fou, bien bavard. Il apporte la femme, la famine et le vin. Il sépare de famille et s'imagine qu'on le vit bien. Il se cache, se donne, s'arrache ou bien se cueille. Trop d'inégalité, et puis on perd la dignité. Il n'épouse pas le pauvre, les riches sont tous entre eux. Un grand mélange, je prépare moins de misérables. Cœur qui balance entre manque et finance. Il a la tête de l'emploi, il a la tête de l'emploi. Il est en tête des ventes et a peur qu'on l'offense. La thune espère se vendre mais a peur de l'offense. Peur de l'offense. Tout frustré à base de sang, sans sentiment, sans tirement. Un tir par ces types là, c'est le pire genre. En purgeant, c'est son passe-temps. Pas de piston pour les purs sons. C'est un tirement à les entendre. On doit comprendre que c'est bien sans effet. Genre à foulet, le pauvre n'en connaît pas l'odeur. Bizarre en fait car celui-ci en connaît bien l'horreur. Le pauvre de la thune n'aime que le bif. L'argent n'aime pas le pauvre et puis le pauvre n'aime pas le riche. Un grand besoin d'un coup de corps et de jeter de kiff. Un grand besoin d'un coup de corps si la sagesse te quitte. C'est une baffe pour le vise et des raves pour la crise. J'ai un bar pour devise et des stars que je vise. Quand je te regarde, ce n'est pas un homme intelligent et solide que je vois. Ce que je vois, c'est un gosse culotté qui meurt de trouille. Mais tu es un génie, oui. Ça, personne ne le nie. Personne ne pourrait comprendre ce qui est au fond de toi. Mais toi, tu présumes que tu sais tout de moi parce que tu as vu une toile que j'ai peinte et ça, ça te permet de disséquer ma vie. Tu ignores ce que c'est de perdre quelqu'un. Parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi. Je doute que tu aies jamais osé aimer à ce point.